Exode chapitre 33. L'Éternel donc dit à Moïse, va, monte d'ici, toi et le peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte, au pays duquel j'ai juré à Abraham, Isaac et Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. Et j'enverrai un ange devant toi, et je chasserai les Chananéens, les Amoréens, les Éthiens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens, pour vous conduire au pays découlant de lait et de miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, parce que tu es un peuple de cou roide, de peur que je ne te consume en chemin. Et le peuple ouït ces tristes nouvelles, et emmena deuil, et aucun d'eux ne mit ses ornements sur soi, car l'Éternel avait dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple de cou roide, je monterai en un moment au milieu de toi, et je te consumerai. Maintenant donc, ôte tes ornements de dessus toi, et je saurai ce que je te ferai. Ainsi les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements, vers la montagne d'Horeb. Et Moïse prit un pavillon, et le tendit pour Hès, au hors du camp, l'éloignant du camp, et il l'appela le pavillon d'assignation, et tous ceux qui cherchaient l'Éternel, sortaient vers le pavillon d'assignation qui était hors du camp. Et il arrivait qu'aussitôt que Moïse sortait vers le pavillon, tout le peuple se levait, et chacun se tenait à l'entrée de sa tente, et regardait Moïse par derrière, jusqu'à ce qu'il fût entré dans le pavillon. Et sitôt que Moïse était entré dans le pavillon, la colonne de nuée descendait, et s'arrêtait à la porte du pavillon, et l'Éternel parlait avec Moïse. Et tout le peuple voyant la colonne de nuée, s'arrêtant à la porte du pavillon, se levait, et chacun se prosternait à la porte de sa tente. Et l'Éternel parlait à Moïse face à face, comme un homme parle avec son intime ami, puis Moïse retournait au camp, mais son serviteur Josué, fils de Nun, jeune homme, ne bougeait point du pavillon. Moïse donc dit à l'Éternel, regarde, tu m'as dit, fais monter ce peuple. Et tu ne m'as point fait connaître celui que tu dois envoyer, avec moi. Tu as même dit, je te connais par ton nom, et aussi tu as trouvé grâce devant mes yeux. Or maintenant, je te prie, si j'ai trouvé grâce devant tes yeux, fais-moi connaître ton chemin, et je te connaîtrai, afin que je trouve grâce devant tes yeux, considère aussi que cette nation est ton peuple. Et l'Éternel dit, ma face ira, et je te donnerai du repos. Et Moïse lui dit, si ta face vient, ne nous fais point monter d'ici, car en quoi connaîtra-t-on que nous ayons trouvé grâce devant tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous? Et alors moi et ton peuple, serons en admiration plus que tous les peuples qui sont sur la terre. Et l'Éternel dit à Moïse, je ferai aussi ce que tu dis, car tu as trouvé grâce devant mes yeux, et je t'ai connu par ton nom. Moïse dit aussi, je te prie, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu dit, je ferai passer toute ma bonté devant ta face, et je crierai le nom de l'Éternel devant toi, et je ferai grâce à qui je ferai grâce, et j'aurai comme passion de celui de qui j'aurai compassion. Puis il dit, tu ne pourras pas voir ma face, car nul homme ne peut me voir, et vivre. L'Éternel dit aussi, voici, il y a un lieu par-devers moi, et tu t'arrêteras sur le rocher, et quand ma gloire passera, je te mettrai dans l'ouverture du rocher, et te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé, puis je retirerai ma main, et tu me verras par derrière, mais ma face ne se verra point.